Chapitre 191. Le mérite de la prière en commun. 1064. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: la prière en commun est 27 fois supérieure à celle accomplie seule. Al-Bukhari et Muslim. 1065. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: la prière en commun est 25 fois supérieure à la prière accomplie à la maison ou au marché. En effet, lorsque l'un d'entre vous effectue soigneusement ses ablutions, puis va à la mosquée avec la seule intention d'y accomplir la salat, il ne fait pas un pas sans qu'Allah ne l'élève par cela d'un degré et ne lui efface par cela un péché. Puis, une fois la salat accomplie, les anges ne cessent de prier sur lui tant qu'il reste assis à la place où il a accompli sa prière et qu'il ne perd pas ses ablutions. Les anges disent: « Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. » Et il est considéré en prière tant que c'est cette dernière qui le retient. Al-Bukhari, dont c'est la version, est muslim. 1066. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme aveugle alla trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit: « Ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. » Il cherchait ainsi à obtenir la permission de prier chez lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, la lui accorda, mais au moment où l'homme se retourna pour partir, il le rappela et lui demanda: « Entends-tu l'appel à la prière ?» Il répondit par l'affirmative. « Alors, réponds-y. » lui ordonna le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Muslim. 1067. Abdullah ibn Maktoum, le muezzin, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam: « Ô messager d'Allah, Médine est infestée d'animaux venimeux et de bêtes sauvages, et je suis aveugle. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui dit: « Tu entends bien le muezzin dire « Venez à la prière, venez au succès. » Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Alors viens-y. » Abu Daoud, avec une bonne chaîne, isnad. 1068. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, j'ai failli ordonner que l'on m'apporte du bois, puis que l'on fasse l'appel à la prière, et désigner un homme pour diriger la prière en commun à ma place, afin de me rendre chez les hommes qui n'assistent pas à la prière en commun et brûler leur maison alors qu'ils sont à l'intérieur. Al-Bukhari et Muslim. 1069. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit: que celui qui souhaite rencontrer Allah Ta'ala demain, le jour du jugement, en étant musulman, prenne soin de se rendre aux prières en commun lorsqu'elles sont annoncées. Allah a en effet prescrit à votre prophète, alayhi salatu wassalam, les voies de la droiture, et les prières en font assurément partie. Et si vous vous mettiez à accomplir la salat obligatoire chez vous, comme le font certains, vous délaisseriez la tradition, la sunnah de votre prophète, ce qui conduirait à votre égarement. Or, à notre époque, seul un hypocrite dont l'hypocrisie était de notoriété publique délaissait la prière en commun. Et il nous arrivait de voir un homme se rendre à la mosquée, chancelant de fatigue au milieu de deux hommes, pour être finalement placé dans les rangs. Muslim. Dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certes enseigné les voies de la droiture, parmi lesquelles se trouve l'accomplissement de la prière dans la mosquée où l'on a appelé à la prière. 1070. Abu Darda, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: il n'est pas trois personnes, dans un village ou dans le désert, n'accomplissant pas la prière en commun, sans que Satan ne les place sous sa coupe. Rassemblez-vous donc, et sachez que c'est le mouton qui s'éloigne du troupeau que le loup mange. Abu Daoud, avec une bonne chaîne de narrateurs.